bienvenue ici sur Énergie, moi c'est Lionel. Ladies and gentlemen. Les Energy Music Awards 2013. Ah, c'est la folie. C'est la folie, on est dans le port de Cannes, ici sur la Côte d'Azur pour les Energy Music Awards 2013. On transmet dans toute la France évidemment pour tous ceux qui n'ont pas pu être ici. Parce qu'on aurait aimé emmener la France entière à Cannes pour les Energy Music Awards. Heureusement il y a la radio, on partage avec vous, on partage avec tous les artistes qui sont nommés ce soir, comme celle qui vient de nous retrouver, qui est ici à Cannes pour les Energy Music Awards. Faites un maximum de bruit, vous qui êtes devant le bateau, un maximum de bruit pour Emily Sandé. Thank you to be here, Emily. Thank you. Nice to meet you. Very nice. I love your song. I love your song. Et je sais qu'il y a tous les auditeurs d'énergie qui sont super contents que tu sois avec nous au micro cet après-midi. T'es écossaise déjà? Yeah. T'es, on peut le dire, celle qui a mis sur la touche, c'est pas moi qui le dis, c'est Sabrina Bayonne, quartier Mousserolles. Sabrina qui dit, t'as mis sur la touche Adele cette année. C'est vrai que t'as Sabrina fait... says you evicted Adele this year. Non mais c'est incroyable, succès énorme, 2 millions d'albums vendus. L'album c'est Our Version of Events. Sorry for my English. C'est la meilleure vente de l'année en Angleterre. C'est the best sale of the year in England. Huge success. Yes, yeah. Last year was amazing. I mean, having the album and the success and everything, and just kind of being able to take it over here as well, it's just been fantastic. Ouais, c'est vrai que l'année dernière était assez incroyable avec le succès de l'album et puis de pouvoir l'amener en France aussi, ça a été assez cool. Alors justement, je te présente Christophe qui est en face de nous. Bonjour Émilie. Hello. Christophe, dis-nous déjà pourquoi t'es là. En somme, je suis ici pour ma fille qui n'a pas pu venir et je veux absolument gagner une place pour elle. Alors ta fille travaille, elle est à Cannes. Voilà, exactement. Elle bosse. Toi, t'as réussi à t'incruster sur le Yacht Energy. J'ai réussi, ouais. Face à Emily Sandé. En plus, t'es fan d'Emily, t'avais une question à lui poser. C'est magnifique. Emily, tu étais là au Energy Music Award 2012, l'an dernier avec David Guetta. Tu as chanté pour les Jeux Olympiques de Londres. T'as un album qui cartonne terrible en ce moment. Quel est ton plus gros souvenir de l'année? You were here last year with David Guetta. Yeah. You did the Olympics. Your album is a huge success. What's your biggest memory of this year? Your greatest memory? The Olympics was a massive thing, you know. The so many people watching. But releasing the album, that was the big thing, because that's the thing you're building up to for years from when you're a kid. So that was, hearing it went number one, that was probably the biggest thing. La sortie de l'album et le fait qu'il soit numéro un, c'est quand même la chose la mieux qui lui est arrivée, parce que c'est vraiment, enfin déjà c'est elle, elle se l'approprie, c'est quelque chose sur lequel elle travaille depuis qu'elle est toute petite. Alors moi Christophe, je sais ce qui va être le plus fort pour toi cette année 2013, c'est de recevoir une place des Energy Music Awards 2013 big moment of the year. De la main the ticket for his daughter that you're about to give him. Yes, here you go. Thank you very much Emily. Thank you. Recevoir une place d'Energy Music Awards de la main d'Emily Sandé. Have a good time. I hope you enjoy. Ça c'est gravé à vie Christophe. Amuse-toi bien. I am very happy. Qu'est-ce qui va se passer ce soir Emily sur la scène des Energy Music Awards pour toi? What's happening tonight for you on stage tonight? We've got a really cool medley. Guest appearance is going to be really cool. We just went through rehearsals, so it's going to look and sound fantastic. Tu viens de répéter. A priori, ça va être super. Un petit medley, une petite surprise. Voilà, ça va être bien. C'est ouf, ça me chauffe. Ça y a que des surprises en fait ce soir aux Energy Music Awards 2013. Des versions spéciales, des trucs revisités, des invités surprises. 20h50, le grand show sur Energy et TF1. Il y a le coffret aussi CD DVD Live qui sort le 18 février, c'est ça. Concert enregistré au Royal Albert Hall de Londres. Et puis allez voir Emily Sandé sur scène. Elle sera en France, je crois que c'est déjà complet, mais s'il reste des places, essayez de traquer ça. On va en offrir sur Energy parce que la tournée est avec Energy. 4 mars au Casino de Paris, 8 mars à l'Aéronef à Lille, le 9 mars au Transborder à Lyon. Thank you very much. Emily Sandé était avec nous devant le bateau. Faites un maximum de bruit pour Emily Sandé. Waouh! On écoute tout de suite Will.i.am, Britney Spears. On est à H-8 avant les Energy Music Awards. Il est un peu plus de 13h. Soyez les bienvenus.